bebaka histoire bandaka hein si vous pourrez asala ka orchestre na epatu de star pona ko se pel sa bana moka na comme si ba faux producteur ya mon kiro ba mona ka jeba ni pasta la ka metala ka zambe aposta na ka mundo na ete hein si vous pourrez zambe ako pesa na kasi oko matil boso okolonga yebo mona nouvelle espérance alelo jala bienvenue to t'appelle chanteur de charme. Salut bon mon achille, le beau garçon de Saint-Douleur. La Abidjan battu des stars kaka. Dans la prudence fait défaut, le peuple tombe. Battu des stars toujours debout. Alain Boy, le beau garçon de Saint-Douleur. Sans oublier le bassiste des bassistes, Vicky Bass. Bon mon Titi, Vitara, le seigneur de la batterie. Là, le seigneur, le grand rebelle, roi de la jungle noire. Nanga na belle nabike moto zo pera na minito yo bomo che perro a mi ah affaire a moi mon boulot tata bakoje kuna l'animateur le plus célèbre attaque quoi nyeta. Hola.